sourire qui s'allume, le regard qui s'embrume, et tu t'en vas danser au ciel. Tu m'apaises, tu me mens, puis tu glisses doucement vers le plus beau des sommets. Dans l'écume des jours qui me parlent de toi.